بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 45 dans l'explication du livre عقيدة أهل السنة والجماعة le شرح de Sheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen. Au dernier cours, on expliquait le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, au ciel, au dernier des cieux, le ciel de la dunya, et il dit, qui veut m'invoquer pour que j'exauce sa prière? Qui veut me demander afin que je lui accorde? Et qui veut implorer mon pardon afin que je lui pardonne? Donc on est en train d'expliquer cet aspect-là de la croyance qui fait partie de la croyance en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même comme attribut de perfection et d'affirmer ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam également lui a affirmé. Et donc on était rendu à l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر حين يبقى ثلث الليل الآخر c'est-à-dire lorsqu'il reste uniquement un tiers de la nuit, c'est-à-dire le dernier tiers de la nuit. Le Cheikh il explique ça, il dit وقوله حين يبقى ثلث الليل الآخر الليل يبتدئ بالإجماع من غروب الشمس لقوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب وغربت الشمس ونهاية الليل فيها قولان قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. Donc le cheikh explique, il dit lorsqu'il reste un tiers de la nuit, il dit le dernier tiers de la nuit, il dit premièrement la nuit elle-même, elle débute selon le consensus des savants de l'islam, elle débute à partir du coucher du soleil. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 187 dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit et complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher de soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la nuit est arrivée de l'est et que le soleil, le jour s'est couché par ici, c'est-à-dire à l'ouest, alors le soleil lorsque le soleil se couche. Ça c'est la preuve que c'est le début de la nuit. Le début de la nuit, c'est à partir du coucher de soleil. Et la fin de la nuit, il y a deux paroles selon les gens de la langue, les savants de la langue. Certains disent que la fin de la nuit c'est au lever de l'aube, et d'autres disent que c'est au lever du soleil. Donc vous comprenez la différence entre les deux. Le lever de l'aube, c'est lorsque c'est au crépuscule, lorsque le soleil, lorsque la lueur du jour commence à apparaître. Ça c'est le lever de l'aube. Et le lever du soleil, c'est lorsque le soleil commence à sortir de l'horizon et commence à monter. Il dépasse l'horizon puis il commence à monter vers le ciel. Donc là, ça c'est le lever du soleil. Donc il y a ces deux paroles là. Et le Cheikh il dit ونحن نقول أما فلكيا فإنه ينتهي بطلوع الشمس لأن طلوع الشمس وهروبها هو الفاصل بين الليل والنهار وليس الضوء الذي يكون من الشمس ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق أما الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأوتر ما صلى فدل ذلك على أن آخر الليل هو طلوع الفجر ويدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه بطلوع الفجر. Donc le cheikh il dit, nous on dit que en ce qui concerne comme il dit falakiyan, ça veut dire selon les astronomes et les gens qui étudient le ciel et tout ça, eux ils considèrent que le soleil que la nuit termine lorsque le soleil se lève, parce que le lever du soleil et le coucher du soleil, c'est ce qui détermine entre le jour et la nuit. Sauf, et il dit que pour eux la lumière, la lumière du jour, à l'aube, lorsque la lueur commence à apparaître, la lueur du jour commence à apparaître à l'horizon, cette lumière-là, il ne considère pas comme étant le jour encore. Et il dit que sinon, il considérerait dans ce cas-là que la lueur du soleil après le coucher de soleil serait également ne serait pas la nuit encore, jusqu'à ce que la lueur du soleil après le coucher soit complètement disparue, alors ça voudrait dire que la nuit commencerait uniquement lorsque la lueur du coucher de soleil est disparue complètement. Sauf que, comme on l'a expliqué, le début de la nuit, selon la charia, c'est lorsque le soleil se couche. Même s'il y a encore des lueurs de lumière du soleil après le coucher de soleil, et jusqu'à un peu plus tard, quelques temps plus tard, quand la lueur du soleil commence à disparaître, on considère que la nuit est commencée, même s'il y a encore de la lueur. C'est la nuit qui commence par le maghrib, par le coucher de soleil. Tandis que la nuit, sur le plan de la charia, elle termine à partir du lever de l'aube, lorsque la lueur du soleil commence à apparaître à l'horizon. Donc, la définition ou la détermination de qu'est-ce qui termine la nuit ou qu'est-ce qui fait terminer la nuit, selon la charia, c'est pas le lever du soleil, mais c'est le lever de l'aube et l'apparition de la lueur du jour à l'aube. Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: faites que votre dernière prière de la nuit soit le witr. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est rapporté selon Ibn Omar. Également, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous craint que l'aube arrive, alors qu'il fasse une rak'at pour clôturer ses prières de nuit par un witr, par une prière impaire. Et donc ça, c'est la preuve que la dernière prière de la nuit, c'est avant le lever de l'aube. Et donc c'est la preuve que également le jeûneur, lorsqu'il jeûne, il doit débuter son jeûne à partir de la lueur de l'aube et non pas à partir du lever de soleil. Le cheikh il dit ensuite: wa ala hadha fal-layl shar'an min ghurub ash-shams ila tulu' al-fajr wa falakan min ghurub ash-shams ila tulu' ash-shams والذي يحمل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الليل الشرعي. وعلى هذا فنقول إن ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر هذا هو الأقرب. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, la nuit selon la définition de la religion, elle débute à partir du coucher de soleil jusqu'au lever de l'aube. Et selon les astronomes, selon les gens qui étudient les astres et le ciel, eux ils considèrent que c'est du coucher de soleil au lever du soleil. Mais le cheikh il dit: qu'est-ce qui nous amène à prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est de le prendre dans c'est qu'on le prenne dans le sens de la définition religieuse de la nuit, de qu'est-ce que c'est les limites de la nuit. Et donc quand on dit que dans ce cas-là, le tiers, le dernier tiers de la nuit, hein, le dernier tiers de la nuit, c'est-à-dire la nuit qui commence par le coucher de soleil et qui termine par le lever de l'aube. D'accord ? C'est ça qui est le plus clair. Donc le cheikh, il explique par la suite, il dit Mas'alatun. Donc il va parler maintenant d'une question spécifique. Na'am. Donc le cheikh, il dit Mas'alatun fi ba'd al-ahadith. ورد نزول الله في الثلث الأوسط وفي بعض الأحاديث في الثلث الأخير فما الجمع بينهما؟ نقول الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينام آخر الليل يقوم ثلثه وينام سدسه لقول عائشة رضي الله عنها ما ألفيته سحرا إلا نائما ما ألفيته سحرا إلا نائما فالأوسط يكون ابتداء النزول فيه من النصف فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخره إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين في المقدار أو يقال إن الله تعالى ينزل إلى السماء مرة ثلث الليل الأوسط و يعني مرة ثلث الليل الآخر أو الأخير فإن قيل ألا يمكن أن نقول إنه في الأول يرسل ملائكته وفي الأخير ينزل هو فالجواب لا يمكن قوله ينزل وأي هو يعني لا يمكن أن أي لا يمكن قوله ينزل أي ينزل هو يعني هو عز وجل. Donc le cheikh il explique ici un autre point. Il dit qu'il y a des hadiths dans lesquels on mentionne que c'est le tiers du milieu et non le dernier tiers. Donc dans certaines narrations c'est mentionné qu'il descend au milieu, au tiers du milieu, c'est-à-dire au deuxième tiers. Et dans un autre hadith, il dit au dernier tiers. Donc comment on réunit ces deux narrations-là? Et le cheikh, il explique, il dit que le tiers du milieu, c'est ce qui est en accord avec la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit que la meilleure prière de la nuit, c'est la prière qu'on fait, qui est comme la prière de Daoud. C'est comme la prière de Daoud, alayhi salam. Il priait à la moitié de la nuit et il se levait au tiers de la nuit et il dormait au dernier sixième. Et donc il dit que c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent. Il dormait à la fin de la nuit et il se levait au tiers et il dormait au sixième. Et Aïcha radiallahu anha, elle dit, yani j'ai pris l'habitude de le trouver lorsque c'était l'aube et il dormait à l'aube, hein. Je le trouvais que en train de dormir au moment de l'aube. Donc, le tiers du milieu, c'est au début de la descente. C'est le début de la descente. Donc, à partir du milieu. Et on prend donc les deux hadiths, et les deux sont authentiques, pour dire que la descente d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est soit à partir du milieu, jusqu'à la fin de la nuit, hein, pour réunir entre les deux hadiths dans la durée, Ou bien on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, soit il descend au dernier tiers et au tiers du milieu, comme si en voulant dire qu'il descend à ces deux moments-là, et que c'est deux moments différents. Un moment au tiers du milieu et un autre moment au dernier tiers. Donc ça, c'est deux façons de réunir les deux hadiths ensemble. Soit on dit que la descente commence à partir du milieu, du tiers du milieu jusqu'au dernier tiers, ou bien on dit qu'il descend à ces deux moments-là deux fois, hein, séparément. Et le cheikh, il dit, si quelqu'un posait la question, n'est-il pas possible de dire que dans la première fois, il envoie un ange, et à la fin, c'est lui qui descend? Et le cheikh, il répond, il dit non, ce n'est pas possible de dire ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il descend, donc c'est lui qui descend, c'est pas son ange. Et il dit, وقوله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر قال فيه بعض المتحذلقين والمتعلمين إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا لأن ثلث الليل الآخر دائما موجود يدور على الأرض نقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل هل تعتقدون أن الله يخفى عليه حينما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأقره الله عليه إلا إن قالوا نعم فقد كفروا وهؤلاء لا كلام معهم وإن قالوا نعم وإن قالوا لا قلنا آمنوا بالنص كما جاء وأنه متى كان الثلث الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود ومتى طلع الفجر فهو معدوم فأنا مثلا في هذه الجهة من الأرض أعرف متى يكون الثلث الآخر من الليل فمتى يطلع الفجر فأؤمن بأنه في هذا الوقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا الوجه من الأرض ثابت وبالنسبة لمن عنده نهار أو عندهم ليل لم يصل الثلث فإن النزول معدوم والرب عز وجل لا يقاس بالخلق وعلى هذا فآمن بأمور الغيب كما جاءت ولا تكلف نفسك في شيء يجب لك أن تنكر ما ثبت. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on entend souvent cette shubha de la part des ignorants. Le cheikh, il dit, quand Allah, il dit qu'il descend chaque nuit au dernier des cieux, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, il dit, il y a certains parmi les gens qui cherchent des contradictions dans les textes, ou qui cherchent des problèmes dans la religion et qui ont des shubuhat. Il dit, le fait qu'on dise que Allah il descend au dernier tiers de la nuit, est-ce que ça n'implique pas que Allah subhanahu wa ta'ala il soit en train de descendre tout le temps, puisqu'il y a toujours un moment sur la terre où c'est le dernier tiers de la nuit? Donc ça voudrait dire que étant donné que la terre tourne, ou bien que la terre est, il y a toujours le jour quelque part, il y a toujours la nuit quelque part, donc à chaque moment de la journée, ce serait le dernier tiers de la nuit quelque part, donc ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala il descend constamment au dernier tiers de la nuit. Et le cheikh, il dit, comme ces gens-là sont ignorants d'Allah et de ses attributs, est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose qui lui échappe lorsque son prophète nous a informé, sallallahu alayhi wa sallam, de cette chose, et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a approuvé de sa part, pensez-vous qu'il y avait cette chose-là qui échappait à Allah subhanahu wa ta'ala? S'ils disent oui, alors ils ont renié la foi, et on n'a pas à perdre notre temps à parler avec cette catégorie de personnes. Mais s'ils disent non, c'est-à-dire que ça n'échappait pas à Allah, alors dans ce cas-là, on dit il faut croire au texte comme il est venu. Et lorsque c'est le dernier tiers de la nuit sur la terre, sur l'endroit où on est sur terre, alors il faut croire que à ce moment-là, Allah il descend, hein, et que cette descente est présente. Hein. Et lorsque l'aube se lève, alors il n'y a pas de descente à ce moment-là. Hein. Et donc, moi par exemple, si je suis à un endroit sur terre, je sais que à tel endroit c'est le dernier tiers de la nuit, hein, et je sais que quand l'aube se lève, hein, c'est fini. Allah il descend uniquement au dernier tiers de la nuit, pas avant et pas après, pour l'endroit où je suis moi sur terre. Donc moi je crois que au moment, hein, de la descente de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala il descend à l'endroit où je suis. Peut-être que à d'autres endroits c'est pas le cas, si c'est pas le dernier tiers de la nuit, par exemple si c'est la journée ou si c'est avant le dernier tiers de la nuit, que à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas descendu. Donc c'est comme ça que on doit comprendre, et c'est comme ça qu'on doit croire en on doit croire en la descente d'Allah tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Puis on ne doit pas essayer de comparer le créateur avec ses créatures. Et il faut croire en les questions qui ont rapport avec l'invisible, hein, et l'inconnu, comme c'est mentionné dans les textes, sans essayer de chercher à comprendre ou à imaginer les choses. Parce que ça dépasse notre compréhension, et ça dépasse, on ne peut pas comprendre Allah subhanahu wa ta'ala comment il fait les choses. Et on ne doit pas essayer de chercher à imaginer des choses ou comprendre ces choses-là d'une manière qui va nous amener des gens à essayer de renier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. D'accord? Donc ça c'est très important. Ensuite, le shaykh il explique que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man yad'ouni fa'astajibu lah, man yas'aluni fa'outiyah, man yastaghfiruni » Hein? Donc ça c'est dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il demande au dernier tiers de la nuit, quand il descend au dernier des cieux, il dit qui veut m'invoquer afin que j'exauce sa prière, qui veut me demander afin que je lui accorde ce qu'il me demande, et qui veut implorer mon pardon afin que je lui pardonne. Et le shaykh il explique cette partie là il dit فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فيه دليل على تعرض الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل وقوله من يدعوني فأستجيب له فمن اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق يدعوني يعني كأن يقول يا رب يعني يدعو الله سبحانه وتعالى وقوله من يسألني فأعطيه كأن يقول أسألك الجنة وقوله ومن يستغفرني فأستغفر له كأن يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي فذكر الله تعالى ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب كما يزول به السوء اي نعم je recommence. فذكر الله تعالى ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب فما يزول به السوء في قوله من يستغفرني لان الذنوب سبب للسوء فإذا غفرته زال أثرها وما يحصل به المطلوب ففي قوله ومن يسألني فأعطيه أما قوله يا رب فهو دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit qui va me demander pour que je lui pour que je l'exauce dans qu'est-ce qu'il me demande, qui me demande quelque chose pour que je lui donne ce qu'il m'a demandé, qui va me demander pardon pour que je lui pardonne. Le cheikh il explique que ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il est généreux. Et sa générosité, elle est immense. Et ses dons et sa grâce, elles sont immenses. Et il dit donc, lorsqu'il dit, qui va m'invoquer pour que je l'exauce, un mot qui est utilisé pour poser une question, et ça équivaut en français à peu près à qui, Qui va m'implorer, qui va m'invoquer, man yad'ouni. Et ça veut dire également que Allah il nous encourage à le faire et il nous incite à le faire, il nous donne l'envie de le faire. Et il dit, quand il dit yad'ouni, c'est-à-dire qui va dire à son Seigneur, oh mon Seigneur, ya Rabb, Tandis que quand il dit qui va me demander pour que je lui donne, c'est-à-dire qui est-ce qui va lui demander ce qu'il veut, il va dire par exemple, je te demande le paradis, je te demande de me donner un risque halal, je te demande de me donner une épouse pieuse, peut-être certaines personnes vont demander ça, je te demande de me donner par exemple le succès d'apprendre ta religion et d'étudier la science. Donc ça c'est un autre exemple. Tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu veux, ou Allah fait que je puisse avoir un bon travail halal pour que je puisse subvenir à mes besoins et aux besoins de ma famille, donc ça c'est des exemples de doua que quelqu'un peut faire. Aussi, man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. C'est-à-dire, qui va me demander pardon? Il va dire, ya Rabbi ghfirli, ya Rabbi ghfirli. Oh mon Seigneur, pardonne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'indique donc dans cette parole ici, ce qui va faire disparaître le mal. Ce qui va faire disparaître ou partir le mal, ou qu'est-ce qui est mauvais. Donc, le cheikh il explique que qu'est-ce qui est mauvais, c'est les péchés. Qu'est-ce qui est mauvais, c'est les péchés. Et lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne et donc il enlève les effets et les conséquences de ces péchés-là, les effets néfastes de ces péchés-là. Et donc, c'est ce qui est voulu, c'est ce qui est recherché. C'est ce qu'on souhaite lorsqu'on demande à Allah de nous pardonner. Et donc le cheikh il dit quand il dit qui va me demander pour que je l'exauce, eh bien ça c'est aussi de demander qu'est-ce que tu veux obtenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu dis ya Rabb, quand tu dis ya Rabb, tu fais un dua et tu montres ta pauvreté, ton indigence, le fait que tu as besoin de ton créateur, tu montres aussi ta soumission, oui, et tu montres que tu es faible, que tu es petit, que tu es dans le besoin de ton créateur, que tu es pauvre, que tu es dans le besoin vis-à-vis d'Allah. Et ça c'est franchement une chose que Allah aime. Quand quelqu'un montre qu'il est dans le besoin vis-à-vis d'Allah et qu'il ne peut rien faire sans lui, Allah subhanahu wa ta'ala il aime voir que son serviteur se soumet à lui et s'humilie devant lui et qu'il est humble envers son créateur. et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce, hein. Et donc il dit, oh, tu demandes à Allah, oh Allah pardonne-moi, oh Allah donne-moi, oh Allah, et ainsi de suite, comme c'est mentionné dans le hadith. Il dit ensuite, وقوله وفي الثلث الآخر أو في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم فيهجر المرء فراشه ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه ولهذا كان الجزاء أن الله يستجيب له إذا دعاه يستجيب له إذا دعاه ويعطيه إذا سأله ويغفر له إذا استغفره سبحان الله. Donc le cheikh dit, et pourquoi le dernier tiers de la nuit? Il dit parce que le dernier tiers de la nuit, c'est le moment où le sommeil est le plus doux. Hein? C'est le moment de la nuit où le sommeil est le plus doux, le plus plaisant, le plus savoureux. Donc tu jouis de ton sommeil à ce moment-là plus que dans le reste de la nuit. Et donc quand la personne, elle sort de son lit, elle fait l'effort de quitter son lit à ce moment-là pour se lever pour son Seigneur, uniquement pour Allah, uniquement pour son Seigneur, il y a dans ça, hein, un grand effort, un grand sacrifice, et c'est pour ça que la récompense elle est si grande, hein. Et donc il demande à Allah sa grâce et sa générosité, et c'est pour ça que Allah le récompense en exaucant son invocation, en lui donnant ce qu'il demande et en lui pardonnant ses péchés comme il lui demande de lui pardonner ses péchés. Le cheikh dit ensuite, wa qawlu salaf wa a'immatu ahli sunnati an hadha an-nuzul haqiqi wa an hadha al-qawl haqiqi wa an al-istijabah wal-i'ta' wal-maghfirah kulluha haqiqah wa mawsufun biha ar-rabb 'azza wa jalla wa anharafa man anharafa min an-nas. وقال إن الذي ينزل إلى السماء هو أمر الله وتحذلق آخر وقال الذي ينزل هي الرحمة وتذحلق ثالث وقال إن الذي ينزل ملك من الملائكة ولكن الله تعالى أضافه إلى نفسه لأن هذا ملك نزل بأمره فهو كقوله تعالى فإذا قرأت فاتبع قرآنه. يعني bon, on va traduire cette partie. Le cheikh dit que les imams des salaf, hein, les salaf et les imams d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils ont cru que, et ils disent que cette descente, c'est une descente réelle. Et que cette parole, c'est une parole réelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il répond à celui qui lui demande, il lui donne le pardon, tout ça c'est réel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est décrit par ces attributs-là et ces caractéristiques-là. Il dit, certains parmi les hommes sont déviés dans cette question. Et certains, ils ont dit, hein, C'est l'ordre d'Allah qui descend, c'est pas Allah lui-même. D'autres parmi eux ont dit, parmi les gens déviés, ils ont dit, c'est la miséricorde d'Allah qui descend, c'est pas Allah lui-même. Et d'autres ont dit, c'est l'ange, parmi les anges d'Allah qui descend, c'est pas Allah lui-même. Hein? Mais il a associé cette descente à sa personne, de façon symbolique, hein, comme il dit, parce que il a dit, c'est l'ange qui descend avec son commandement. C'est comme quand, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Qiyamah, et lorsque Et lorsqu'il est récité, alors suit sa récitation. En voulant dire c'est Jibril qui le récite. Et donc il dit ici, et lorsque nous récitons, alors suit sa récitation, en voulant dire la récitation de l'ange. Donc ils essaient d'interpréter ça de cette manière. Sauf que le cheikh, il va clarifier la réponse à ce sujet. Il dit, وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا نُزُولَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلْ كَنُزُولِ الْمَخْلُوقِ وَقَالُوا إِذَا نَزَلَ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ عَالِيًا وَلَزِمَ أَنَّ السَّمَاءَ تَقِلُّهُ نعم وَأَنَّ الثَّانِيَةَ فَمَا فَوْقَهَا تُظِلُّهُ فَمَا فَوْقَهَا تُظِلُّهُ وهذا مستحيل على الله عز وجل فيقولون لنا لا تجعلونا نعتقد في الله ما لا يليق به فيخوفوننا بالله إذا قلنا إن الله ينزل نفسه ويأتون إلى العامي المسكين ويقولون له مثل هذا الكلام فيقول أستغفر الله وأتوب إليه والحق ما قلتم إنه ينزل أمره أو رحمته أو ملكه هكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص ولكن لو قالوا إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا أي لا ندرك كيفيتها وكنهها فلا نقول كيف ينزل وكيف السماء تقله أو تظله ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتجاوز هذا لكان هو الواجب ثم إننا معكم في نفي أن تكون السماء تقله أو تظله وأنه مستحيل عن الله ولكن هذا ليس لازما لصفات الله تعالى. Donc le cheikh il commence à répondre. Il dit, la raison pourquoi ces gens-là ont voulu interpréter la descente d'Allah en disant que c'était pas Allah lui-même, mais que c'était son ange ou sa miséricorde ou son commandement, c'est parce que ils ont essayé d'imaginer la descente d'Allah comme la descente d'une créature. Alors ils ont dit, si Allah descend, ça implique telle chose, ça implique telle chose, hein, des implications qui sont fausses. Donc par exemple, le cheikh il dit ici, ils ont dit, ces gens-là, les gens de Bid'ah, qui nient les attributs d'Allah, ils ont dit que si on affirme qu'Allah lui-même descend, ça implique qu'il est en haut, élevé. Et eux, ils refusent d'affirmer qu'Allah est au-dessus de sa création. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, ils ont dit ça impliquerait aussi que c'est le soleil, que c'est le ciel qui contient Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le ciel est au-dessus de lui à ce moment-là. Les autres cieux sont au-dessus de lui à ce moment-là. Et lui font de l'ombre ou des choses comme ça. Et ils disent ça c'est impossible à propos d'Allah. Et ils nous disent également, ne nous faites pas croire à propos d'Allah ce qui ne convient pas à Allah. Et ils essaient de nous faire peur d'Allah en disant ce genre de paroles. Et le cheikh il dit, et si on, lorsqu'on dit Allah descend lui-même, eux ils veulent nous faire peur d'Allah à ce sujet-là. Et ils disent à la personne parmi le commun des musulmans qui ne connaît pas il a l'aqida comme il faut, ils lui disent ce genre de paroles pour essayer de lui faire peur. Et après ce musulman ordinaire ou ce musulman parmi les musulmans du commun qui ne connaît pas l'aqida comme il faut, il va répondre, il va dire astaghfirullah wa atubu ilayh, je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Il dit la vérité, c'est ce que vous dites vous, c'est son ordre ou c'est sa miséricorde ou c'est son ange qui descend et c'est pas lui. Et c'est ainsi que la fausse compréhension et la mauvaise compréhension amènent les gens à des à des conceptions corrompues et à des déformations des textes. Le cheikh, il dit, mais si plutôt ils avaient dit, nous croyons, il n'est pas possible de comprendre comment sont les attributs de notre Seigneur. On ne peut pas arriver à comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala est et comment il descend. Donc, hein, on ne peut pas dire ou on ne peut pas poser la question comment descend Allah ? Comment il descend ? On ne peut pas poser cette question-là. Et on ne peut pas poser la question non plus comment les cieux l'enveloppent ou comment les cieux le couvrent ou des choses de ce genre. On ne peut pas dire ça. Et de même que le messager, hein, on ne peut pas dire par exemple comment le messager a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du messager, tu vas la remettre en question, sa parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle à propos d'Allah, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, il ne dit pas comme il faut, il ne dit pas la vérité, il ne s'exprime pas correctement, hein, il n'a pas la connaissance. A'ouzoubillah, c'est grave de dire ça. Donc, le cheikh, il dit, donc, est-ce qu'on peut dire également, comment les sahabes ont pu dire, hein, ces choses-là? Non. Nous, on doit dire comme le messager a dit. Et on doit dire comme les sahabes ont dit. Nous avons entendu et nous avons cru, hein, et nous avons accepté que c'est la vérité. Et on ne dépasse pas cela. Hein, c'est ça qui aurait été l'obligatoire pour eux de faire, l'obligation pour ces gens-là de ça aurait été de dire ça. Hein? On n'a pas à chercher le comment ou à comprendre comment on doit croire en Allah tel que Allah il s'est décrit lui-même et ça finit là. Puis il dit en même temps on est avec vous pour dire que yani les cieux ils n'enveloppent pas Allah et que yani ils ne peuvent pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est impossible. Il dit, cela n'est pas impliqué du tout par les attributs d'Allah. Parce que souvent, eux, le problème avec les jeunes bid'ah, c'est que parce qu'ils essaient d'imaginer les attributs d'Allah comme étant des attributs des créatures, ils inventent des implications aux attributs. Ils inventent des implications à l'affirmation des attributs, des implications qui sont fausses. Et ils utilisent ces fausses implications-là pour justifier la négation ou la déformation des attributs. Et ça, c'est grave. Et c'est ce qui les amène à tomber dans la bid'a par la suite, à tomber dans la négation des attributs ou à la déformation du sens des attributs. Hein? Et donc, s'ils n'avaient pas fait ça, ils seraient pas tombés dans cette erreur-là. Et le cheikh, il dit, ثُمَّ نَقُولُ لَهُمْ إِذَا قُلْتُمْ إِنَّ الَّذِي يَنْزِلُ أَمْرُهُ فَقَدْ كَذَبْتُمُ الْقُرْآنَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ هَا فَمُنْتَهَى الْأَمْرُ هُوَ الْأَرْضِ وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمْ مُنْتَهَى الْأَمْرُ هُوَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Regardez qu'est-ce qu'Allah il dit. Il dit, et nous leur répondons, hein, que vous avez démenti le Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous dites que c'est le commandement d'Allah qui descend au dernier tiers de la nuit. Vous avez démenti le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 5 dans Surah Al-Sajda, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. Il gère le commandement des cieux jusqu'à la terre. Alaykum salam wa rahmatullah. Il gère le commandement des cieux à la terre. Donc ça veut dire que la destination du commandement c'est la terre. Et vous avez fait la destination ou la fin du commandement le dernier des cieux. Donc ça c'est une réponse que le cheikh il a donnée. Allah il dit que le commandement il va jusqu'à la terre. Et vous dites, il va jusqu'au dernier des cieux, comme en essayant d'interpréter le hadith, lorsque Allah dit qu'il descend au dernier des cieux, vous dites, non, c'est le commandement qui descend au dernier des cieux. Alors que Allah dit dans le Coran que son commandement, il descend jusqu'à la terre. Donc ça, c'est la preuve que vous avez menti. Le commandement d'Allah, quand il quand Allah dit qu'il descend au dernier tiers de la nuit, c'est pas son commandement. Hein? Et aussi, une autre chose qu'on peut dire, et les ulama, ils ont mentionné ça aussi, c'est que le commandement d'Allah et l'ordre d'Allah, il descend pas seulement au dernier tiers de la nuit. Le commandement d'Allah, il descend tout le temps. Les ordres d'Allah et les commandements d'Allah, ils descendent à chaque instant d'Allah. Ils ne descendent pas seulement au dernier des cieux aussi. Ils descendent sur terre, comme Allah le dit dans le verset ici, dans le verset 5, dans Surat al-Sajda. Donc, de dire que c'est le commandement d'Allah qui descend, c'est comme s'ils limitaient le commandement d'Allah au dernier tiers de la nuit seulement. Hein? Et en même temps, est-ce que le commandement d'Allah va dire qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Le cheikh il dit: وَإِذَا قُلْتُمْ الَّذِي يَنْزِلُ الرَّحْمَةِ فَمَا فَائِدَتُنَا نَحْنُ مِنْ رَحْمَةٍ لَا تَصِلُ إِلَيْنَا بَلْ تَقِفُ عِنْدَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَمَا الْفَائِدَةُ حَتَّى يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب. يعني il dit aussi que certains ils disent que c'est la miséricorde d'Allah qui descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux. Et le cheikh il dit à quoi nous profite une miséricorde qui ne nous atteint pas et qui s'arrête uniquement au dernier des cieux, qui vient pas sur la terre. À quoi elle nous sert, hein? Et en même temps, est-ce que la miséricorde d'Allah, elle va dire qui va me demander pour que je l'exauce, hein? Et en même temps, les miséricordes d'Allah, elles descendent pas seulement au dernier tiers de la nuit. Elles descendent n'importe quel moment de la journée. Hein? Donc ça c'est un exemple. Et aussi il dit wa idha qultum innahu malak هل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله من يدعوني فأستجيب له وهل يمكن أن ينطق الملك بهذا أبدا لا يمكن ثم إنه في بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسألني عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له فهل يمكن أن يقع من ملك. Donc le cheikh il dit que certains ont dit que c'était l'ange qui descendait au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux. Et le cheikh il dit ça c'est faux, c'est pas possible. Il y a pas une créature parmi les créatures qui peut parler au nom d'Allah et dire qui va m'invoquer pour que je l'exauce. Hein? C'est pas possible ça. Est-ce qu'un ange il peut dire ça? Qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? L'ange il va dire ça? Est-ce que l'ange peut pardonner les péchés? Les anges ils demandent pardon à Allah pour les serviteurs. Exactement, il n'y a personne qui peut pardonner les péchés excepté Allah. Donc les anges... ويستغفرون للذين آمنوا الله يزيد سورة غافر يعني الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. Les anges demandent pardon pour les croyants. Ils disent pas aux croyants qui va me demander pardon pour que je le pardonne. Hein? Donc, est-ce que c'est possible qu'un ange dise cette parole? Non, c'est pas possible du tout. Hein? Et il dit que dans certaines narrations de ce hadith, il est mentionné man dhal ladhi yas'alu an ibadi ghayri, hein, qui est celui qui demande à propos de mon serviteur autre que moi, qui me demande, qui va m'invoquer pour que je l'exauce. Donc personne peut demander à propos des serviteurs excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَهَلْ هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ مِنْ مَلَكِ. Hein? Est-ce que ça peut arriver d'un ange? Non. Il dit فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ. Si une personne dit ذَكَرْنَا أَنَّنَا نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَأَنَّ أَحَدَ السَّلَفَ فَسَّرَهَا بِلَازِمِهَا فهل نزول الله إلى السماء إلى سماء الدنيا أيضا يمكن أن يفسر بلازمه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب لا يمكن، فما علمنا أحدا فسرها بلازمها، ولكنها أنكروا على من فسرها بأنها نزول الرحمة أو أنها نزول الملك من الملائكة، وأنكروا هذا. وإن قيل إذن فما هو الضابط في تفسير الصفات بلازمها أو عدمه؟ فالجواب الواجب تفسير الصفات بحقيقة معناها، ولا نلجأ لتفسيرها باللازم إلا إذا كنا نخاطب من لا يتسع ذهنه للحقيقة. فمثلا السلف فسروا المعية بالعلم لأنه شاع في وقتهم قول الجهمية أنه معنى بذاته في الأرض، والعام لا يفهم أن يكون الله في السماء وهو معنى، فلا يتصور ذلك تماما، ففسروها بالعلم. ولهذا عبر بعض السلف فقال: لا نقول إلا هاهنا، لا نقول إنه هاهنا كما تقول الجهمية. وأنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، ولكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله فصدقوا على ما أراد الله عز وجل. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un posait la question, on a dit précédemment, dans les cours précédents, on a expliqué, lorsque le cheikh il a mentionné que nous devons croire que Allah est avec sa créature, avec sa création, alors qu'il est sur le trône. Il est sur le trône et en même temps il est avec sa création. Et que certains parmi les salafs ont interprété cet accompagnement de la part d'Allah, ou le fait que Allah est avec ses créatures, par ce que cela implique, c'est-à-dire le fait de dire qu'il est avec nous par sa science, ou par son ouïe, ou par sa vue. Donc il dit, est-ce que la descente d'Allah au dernier des cieux, au ciel de la dunya, est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter ça aussi par ce que cela implique? Et le cheikh il répond, comme si quelqu'un pourrait essayer de dire il descend par sa science, ou il descend par sa vue ou son ouïe, ou des choses comme ça. Et le cheikh il dit non, ça c'est pas possible. On n'a pas connu aucun d'entre les ulama qui l'a interprété de cette façon-là, parce que cela implique. Mais ils ont en même temps réfuté, et ils ont en même temps rejeté ceux qui l'ont interprété en disant que c'était la descente de la miséricorde ou la descente de l'ange, parmi les anges ou des choses comme ça. Les ulama, ils ont tous condamné cette parole et cette interprétation-là. Donc si quelqu'un posait la question, dans ce cas-là, c'est quoi la règle sur laquelle on peut se baser sur le fait d'interpréter les attributs d'Allah parce que l'attribut implique ou de ne pas le faire? C'est quoi le principe qui gère ça? Et le cheikh il répond en disant que l'obligation c'est d'interpréter les attributs d'Allah dans leur sens réel, et on n'a pas à les interpréter par leurs implications, excepté lorsque les personnes à qui on s'adresse n'ont pas la capacité de comprendre cette réalité-là dans leur esprit. Par exemple, les salafs, ils ont expliqué al-ma'iyah, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création, par la science, parce que à leur époque, la parole des jahmiyah était répandue. Et cette parole des jahmiyah, c'était de dire que Allah, par son être, était avec nous sur terre. Parce que les jahmiyah, ils croient que Allah est mélangé avec sa création. Alors les salafs, ils ont voulu expliquer pour le commun des musulmans qui n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre que Allah est avec nous et qu'il est au-dessus des cieux, il n'est pas capable de comprendre ça complètement. Alors les salafs l'ont expliqué par la science, et certains d'entre les salafs ont exprimé cela. Hein? Et ils ont dit, nous ne disons pas, certains des salafs ont dit, nous ne disons pas qu'il est ici, comme le disent, hein, qu'il est ici avec nous, comme le disent les djamis. Et il dit, et je vous mets en garde, et puis je vous mets en garde contre le fait de contredire le sens apparent des textes. Mais si votre intellect ou votre raison n'arrive pas à saisir quelque chose à propos d'Allah, alors acceptez-le et acceptez d'y croire selon ce que Allah a voulu. Hein? Tu dis, j'arrive pas à comprendre cette parole, ou je comprends pas ce que ça signifie. Hein? Par exemple, si t'arrives pas à le comprendre toi-même, ou t'arrives pas à savoir qu'est-ce que ça signifie, tu dis, je l'accepte et j'y crois, tel quel. Hein? T'as pas à tomber dans la négation, ou essayer de déformer le sens apparent des textes. Parce que ça, c'est grave. Et le cheikh, il dit, فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو مِنَ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدْرَ مِيلٍ وَيَعْرِقُ النَّاسِ حَتَّى يَصِلَ الْعَرَقُ فِي بَعْضِ النَّاسِ إِلَى رَأْسِهِ وَهُمْ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ فَهَلْ هَذَا يُعْقَلُ فِي الدُّنْيَا؟ لَا. ولكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور ولم يخبرنا الله من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به أما ما لا يمكن فقد أخفاه فلا نعلمه نحن. Donc le cheikh, il a expliqué un point, un exemple pour nous faire comprendre. Il dit, est-ce que nous on est capable? Il dit, nous savons qu'au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché de la tête des créatures. Hein? Au jour de la résurrection, le soleil sera rapproché aux têtes des créatures de la distance d'un mille. Et les ulama, ils ont dit, le mille, c'est le bâton qu'on utilise pour mettre le kuhl dans les yeux. Hein? Ça, le bâton là, qui est dans la bouteille là, on l'utilise pour mettre ça, le kuhl dans les yeux. Ça s'appelle al-mil. Donc il est proche de la tête déjà, le soleil. Certains ont expliqué que al-mil, c'est une mesure quelconque, une distance. En tous les cas, que ce soit al-mil ou l'autre sens de la mesure ou la distance de al-mil, c'est que c'est très proche. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé également que les gens allaient transpirer ce jour-là, et que leur transpiration allait atteindre différents endroits, hein, différents degrés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, certains ça va aller jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à leur taille, d'autres jusqu'à leurs épaules, d'autres jusqu'à leur bouche, et d'autres vont même être noyés dans leur sueur. Pourtant, tout le monde est à la même place, mais pas tout le monde a la même quantité de transpiration. Comment expliquer ça? Alors qu'ils sont au même endroit. Supposons que ici, là, dans la mosquée, il y a une inondation, que l'eau monte. Hein? Eh bien, est-ce que vous pensez que c'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont être plus grands que d'autres? Donc l'eau, il va pas arriver à la même hauteur pour tout le monde, hein? Mais pour la sueur, ça c'est autre chose, parce que la sueur, ça c'est produit par la personne. Et donc tu sépares comment ça se fait que pour certains ça va jusqu'en haut, pour d'autres ça va pas jusqu'en haut. Mais ça c'est quelque chose qui a rapport avec le raïb. Et donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de l'accepter, même si on n'arrive pas à l'imaginer. Même si on n'arrive pas à le comprendre, comment ça va être, hein? Parce que notre raison n'est pas capable de le saisir, parce que ça nous dépasse. Hein? L'être humain, quand il voit quelque chose qui le dépasse, hein, qu'il peut pas comprendre, son cerveau il bloque. Hein? Son cerveau il bloque. Il y a quelque chose qui passe pas, ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont rapport avec le raïb. Il y a des choses dans l'au-delà que personne ne peut imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fil jannati ma la aynun ra'at, ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il y a dans le paradis des choses que aucun œil n'a jamais vu, aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais imaginé. Peut-être qu'il y a des choses, si Allah subhanahu wa ta'ala nous avait mentionné dans le paradis, hein, on n'aurait même pas compris de quoi il parle ou de quoi il s'agit, parce qu'il n'y a même pas de comparaison possible entre ces choses-là et ces choses de l'au-delà. On peut uniquement comprendre ce qui rentre dans nos systèmes de repères, dans notre système de comparaison, dans notre dimension exactement. Mais si c'est quelque chose qui est complètement différent, et il n'y a aucun parallèle possible à faire entre les deux, on n'arrivera jamais à le comprendre, peu importe les mots qu'on utilise. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, le Cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas tout dit de qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà et de qu'est-ce qu'il y a dans le ghaib. Il nous a seulement dit ce qu'on est capable de comprendre et de cerner. Mais ce qu'on n'est pas capable de comprendre, il nous l'a caché. Hein? Donc on ne le sait pas, on ne le connaît pas. Hein? Et donc si on peut dire ça à propos du paradis et à propos du ghaib, que dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Si on ne peut pas comprendre des créatures d'Allah qui font partie du ghaib, alors comment peut-on prétendre ou essayer de comprendre le créateur lui-même? C'est pas possible. Le cheikh il résume tout ça en disant wa khulasatul qawl annana nu'minu billah, hein, annana nu'minu bi anna Allah ta'ala yanzulu ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth al-layl al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah man yas'aluni fa u'tiyahu من يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الفجر. En résumé, nous disons que nous croyons que Allah descend au dernier des cieux lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit et qu'il dit: qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Qui va me demander pour que je lui donne? Et qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Jusqu'à ce que l'aube se lève. Et c'est ça que nous devons accepter. D'accord ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et c'est ce qui conclut la question de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prochain point, c'est à propos de d'autres questions qui ont rapport avec les attributs d'Allah. C'est la venue d'Allah au jour de la résurrection pour juger entre les créatures. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en arabe Al-Maji? Al-Maji. Al-Maji, ça veut dire la venue. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Hein? Le Seigneur, il vient, ton Seigneur vient. Qu'est-ce que ça veut dire cette venue et comment il faut y croire? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera إن شاء الله أو برشين كور. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.